Chapitre 127e, la France et l'étranger. Nous l'avons dit, la nouvelle assemblée était particulièrement envoyée contre les nobles et contre les prêtres. C'était une véritable croisade. Seulement les étendards, au lieu de Dieu le veut, portaient cette légende « Le peuple le veut ». Le 9 octobre, jour de la démission de Lafayette, Galois et Jansonnet lurent leur rapport sur les troubles religieux de la Vendée. Il était sage, modéré, et par cela même, il fit une impression profonde. Qui l'avait inspiré, sinon écrit. Un politique fort habile que nous verrons bientôt faire son entrée sur la scène et dans notre livre. L'Assemblée fut tolérante. Un de ses membres, Fauchet, demanda seulement que l'État cessât de payer les prêtres qui déclaraient ne vouloir point obéir à la voix de l'État, en donnant cependant des pensions à ceux des réfractaires qui seraient vieux et infirmes. Ducos alla plus loin. Il invoqua la tolérance. Il demanda qu'on laissât toute liberté aux prêtres de faire ou de ne pas faire serment. Plus loin encore, à l'évêque constitutionnel Thorne, il déclara que le refus même des prêtres tenait à de grandes vertus. Nous allons voir tout à l'heure comment les dévots d'Avignon répondirent à cette tolérance. Après la discussion, non terminée cependant, sur les prêtres constitutionnels, on passa aux émigrés. C'était aller de la guerre intérieure à la guerre extérieure, c'est-à-dire toucher les deux blessures de la France. Fauchet avait traité la question du clergé, Brissot traita celle de l'émigration. Il l'a pris de son côté élevé et humain. Il l'a pris où Mirabeau, un an auparavant, l'avait laissé tomber de ses mains mourantes. Il demanda que l'on fît une différence entre l'émigration de la peur et celle de la haine. Il demanda qu'on fût indulgent pour l'une, sévère pour l'autre. À son avis, on ne pouvait enfermer les citoyens dans le royaume. Il fallait, au contraire, leur laisser toutes les portes ouvertes. Il ne voulait pas même de confiscation contre l'émigration de la haine. Il demanda seulement que l'on cessât de payer ceux qui s'étaient armés contre la France. Chose merveilleuse, en effet, la France continuait de payer à l'étranger les traitements des Condé, des Lambesc, des Charles de Lorraine. Nous allons voir tout à l'heure comment les émigrés répondirent à cette douceur. Comme Fauchet achevait son discours, on eut des nouvelles d'Avignon. Comme Brissot terminait le sien, on eut des nouvelles d'Europe. Puis une grande lueur apparut au couchant comme un immense incendie, c'était des nouvelles d'Amérique. Commençons par Avignon. Disons en peu de mots l'histoire de cette seconde Rome. Benoît XI venait de mourir, en 1304, d'une façon scandaleusement subite. Aussi disait-on qu'il avait été empoisonné par des figues. Philippe le Bel, qui avait souffleté Boniface VIII par la main de Colonna, avait les yeux fixés sur Pérouse où se tenait le conclave. Depuis longtemps, il avait l'idée de tirer la papauté de Rome et de l'amener en France pour, une fois qu'il la tiendra dans sa geôle, la faire travailler à son profit et, comme dit notre grand maître Michelet, pour lui dicter des bulles lucratives, exploiter son infaillibilité et constituer le Saint-Esprit comme scribe et percepteur pour la maison de France. Un jour, il lui arriva un messager couvert de poussière, mourant de fatigue, pouvant à peine parler. Il venait lui apporter cette nouvelle. Le parti français et le parti anti-français se balançaient si bien en conclave qu'aucun pape ne sortait des scrutins et que l'on parlait d'assembler dans une autre ville un nouveau conclave. Cette résolution n'arrangeait point les Pérugins, qui tenaient à l'honneur qu'un pape fût fait dans leur ville. Aussi usèrent-ils d'un moyen ingénieux. Ils établirent un cordon autour du conclave pour empêcher que l'on ne portât à manger et à boire aux cardinaux. Les cardinaux jetèrent les hauts cris. « Nommez un pape !» crièrent les Pérugins, « vous aurez à boire et à manger. » Les cardinaux tinrent 24 heures. Au bout de 24 heures, ils se décidèrent. Il fut décidé que le parti anti-français choisirait 3 cardinaux et que le parti français dans ces 3 cardinaux choisirait un pape. Le parti anti-français choisit 3 ennemis déclarés de Philippe le Bel. Mais au nombre de ces 3 ennemis de Philippe le Bel était Bertrand de Goth, archevêque de Bordeaux, que l'on savait plus ami encore de son intérêt qu'ennemi de Philippe le Bel. Un messager parti, porteur de cette nouvelle. C'était ce messager qui avait fait la route en 4 jours et 4 nuits et qui arrivait mourant de fatigue. Il n'y avait pas de temps à perdre. Philippe envoya un express à Bertrand de Goth, qui ignorait complètement encore la haute mission dont il était chargé, pour lui donner rendez-vous dans la forêt des Andelys. C'était par une nuit sombre qui ressemblait à une nuit d'évocation, au milieu d'un carrefour auquel aboutissaient 3 chemins. C'était dans des conditions pareilles que ceux qui voulaient obtenir des faveurs surhumaines évoquaient le diable et, en jurant d'être son homme lige, baisaient le pied fourchu de Satan. Seulement, pour rassurer l'archevêque sans doute, on commença par entendre la messe. Puis sur l'autel, au moment de l'élévation, le roi et le prélat se jurèrent le secret. Puis les cierges s'éteignirent, le desserrement s'éloigna, suivi de ses enfants de cœur, et en portant la croix et les vases sacrés, comme s'il eût craint qu'il n'y eût profanation à ce qu'ils fussent les muets témoins de la scène qui allait se passer. L'archevêque et le roi restèrent seuls. « Qui instruisit de ce que nous allons dire Villani chez lequel nous le lisons ?»« Satan, peut-être, qui, bien certainement, était entière dans l'entrevue. »« Archevêque, dit le roi à Bertrand de Gotte, j'ai le pouvoir de te faire pape si je veux. C'est pour cela que je suis venu vers toi. »« La preuve ?» demanda Bertrand de Gotte. « La preuve, la voici, » dit le roi. Et il lui montra une lettre de ses cardinaux, qui, au lieu de lui dire que le choix était fait, lui demandait qu'il fallait qu'il choisisse. « Que dois-je faire pour être pape ?» demanda le Gascon, tout éperdu de joie, et se jetant aux pieds de Philippe le Bel. « T'engager, répondit le roi, à me faire les six grâces que je te demanderai. »« Dites, mon roi, répondit Bertrand de Gode, je suis votre sujet, et c'est mon devoir de vous obéir. » Le roi le releva, le baisa sur la bouche et lui dit « Les six grâces spéciales que je te demande sont les suivantes. » Bertrand de Gotte écoutait de toutes ses oreilles, car il craignait, non pas que le roi ne lui demandât des choses qui compromissent son salut, mais des choses impossibles. « La première, dit Philippe, est que tu me réconcilies avec l'Église et me fasses pardonner le méfait que j'ai commis en arrêtant à Agnani le pape Boniface VIII. »« Accordé, » se hâta de répondre Bertrand de Gotte. « La seconde est que tu rendes la communion à moi et à tous les miens. » Philippe le Bel était excommunié. « Accordé, » dit Bertrand de Gotte, étonné qu'on lui demandât si peu pour le faire si grand. Il est vrai qu'il restait encore quatre demandes à faire. La troisième est que tu m'accordes les décimes du clergé dans mon royaume pendant 5 ans afin d'aider aux dépenses faites dans la guerre de Flandre. « Accordé. » Le quatrième est que tu annules et détruises la bulle du pape Boniface au Sculpta Fili. « Accordé, accordé. » La cinquième est que tu rendes la dignité de cardinal à messire Marco et à messire Piero de Colonna et qu'avec eux tu fasses cardinaux certains miens amis. « Accordé, accordé, accordé. » Puis comme Philippe se taisait, « Et la sixième, monseigneur ?» demanda l'archevêque avec inquiétude. « La sixième, répondit Philippe le Bel, je me réserve d'en parler en temps et lieu, car c'est une chose grande et secrète. »« Grande et secrète ?» répéta Bertrand de Gotte. « Si grande et si secrète, dit le roi, que je désire que d'avance tu me la jures sur le crucifix. » Et tirant un crucifix de sa poitrine, il le présenta à l'archevêque. Celui-ci n'hésita pas un instant. C'était le dernier fossé à franchir. Le fossé franchi, il était pape. Il étendit la main sur l'image du sauveur et d'une voix ferme. « Je jure, » dit-il. « C'est bien, » dit le roi. « Dans quelle ville de mon royaume veux-tu être couronné maintenant ?»« À Lyon. Viens avec moi. Tu es pape sous le nom de Clément V. » Clément V suivit Philippe le Bel. Mais il était assez inquiet de cette sixième demande que son suzerain se réservait de lui faire. Le jour où il la lui fit, il vit que c'était bien peu de choses. Aussi ne fit-il point de difficulté. C'était la destruction de l'ordre du temple. Tout cela n'était probablement pas tout à fait selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu montra son mécontentement d'une façon manifeste. Au moment où, en sortant de l'église dans laquelle Clément V avait été couronné, le cortège passait devant un mur chargé de spectateurs, le mur s'écroula, blessa le roi, tua le duc de Bretagne et renversa le pape. La tiare tomba, et le symbole de la papauté avilie roula dans le ruisseau. 8 jours après, dans un banquet donné par le nouveau pape, les gens de sa sainteté et ceux des cardinaux se prennent de querelle. Le frère du pape veut les séparer, il est tué. C'était là de mauvais présages. Puis au mauvais présage se joignait le mauvais exemple. Le pape rançonnait l'église, mais une femme rançonnait le pape. Cette femme, c'était la belle Brunissande, qui, au dire des chroniqueurs du temps, coûtait plus cher la chrétienté que la terre sainte. Et cependant, le pape accomplissait ses promesses une à une. Ce pape qu'avait fait Philippe, c'était son pape à lui, une espèce de poule aux œufs d'or qu'il faisait pondre soir et matin et à laquelle il menaçait d'ouvrir le ventre s'il ne pondait pas. Tous les jours, comme le marchand de Venise, il levait une livre de chair à son débiteur sur le membre qui lui convenait. Enfin, le pape Boniface VIII, déclaré hérétique et faux pape, le roi relevé de l'excommunication, les décimes du clergé accordées pour 5 ans, 12 cardinaux nommés à la dévotion du roi, la bulle de Boniface VIII qui fermait à Philippe le Bel la course du clergé révoquée, l'ordre du temple aboli et les templiers arrêtés, il arriva que le 1er mai 1308, l'empereur Albert d'Autriche mourut. Alors Philippe le Bel eut l'idée de faire nommer son frère Charles de Valois à l'Empire. C'était encore Clément V qui allait manœuvrer pour arriver à ce résultat. Le servage de l'homme vendu se continuait. Cette pauvre âme de Bertrand de Goth, scellée, bridée, devait être chevauchée par le roi de France jusqu'en enfer. Elle eut enfin la velléité de renverser son terrible cavalier. Clément V écrivit ostensiblement en faveur de Charles de Valois, secrètement contre lui. À partir de ce moment, il fallait songer à sortir du royaume. La vie du pape était d'autant moins en sûreté sur les terres du roi que la nomination des 12 cardinaux mettait les futures élections pontificales aux mains du roi de France. Clément V se souvint des figues de Benoît XI. Il était à Poitiers. Il parvint à s'échapper de nuit et à gagner Avignon. C'était assez difficile d'expliquer ce qu'était Avignon. C'était la France et ce n'était pas la France. C'était une frontière, une terre d'asile, un reste d'empire, un vieux municipe, une république comme Saint-Marin. Seulement, elle était gouvernée par deux rois, le roi de Naples comme comte de Provence, le roi de France comme comte de Toulouse. Chacun d'eux avait la seigneurie d'une moitié d'Avignon. Nul ne pouvait arrêter un fugitif sur la terre de l'autre. Clément V se réfugia naturellement dans la portion d'Avignon qui appartenait au roi de Naples. Mais s'il échappait au pouvoir du roi Philippe le Bel, il n'échappait pas à la malédiction du grand maître du Temple. En montant sur son bûcher du terre-plein de l'île de la Cité, Jacques de Molay avait adjuré ses deux bourreaux, sur la sommation de leurs victimes, à comparaître à la fin de l'année devant Dieu. Clément V obéit le premier à la funèbre requête. Une nuit, il rêva qu'il voyait son palais en flammes. Depuis ce temps, dit son biographe, il ne fut plus gai et ne dura guère. 7 mois après, ce fut le tour de Philippe. Comment mourut-il ? Il y a 2 versions sur sa mort. L'une et l'autre semblent être une vengeance tombée de la main de Dieu. La chronique traduite par Sauvage le fait mourir à la chasse. Il fit venir le cerf vers lui, tira son épée, piqua son cheval des éperons, et croyant frapper le cerf, il fut par son cheval porté contre un arbre de si grande raideur que le bon roi tomba à terre, durement blessé au cœur, et fut porté à Corbeil. Là, au dire de la chronique, la maladie s'aggrava au point qu'il en mourut. On le voit, la maladie ne pouvait devenir plus grave. Guillaume de Nangis, au contraire, raconte ainsi la mort du vainqueur de Mont-Sampuel. Philippe, roi de France, fut retenu par une longue maladie dont la cause, inconnue aux médecins, fut pour eux et pour beaucoup d'autres le sujet d'une grande surprise et stupeur. D'autant plus que son pouls ni son urine n'annonçaient qu'il fût malade ou en danger de mourir. Enfin, il se fit transporter par les siens à Fontainebleau, lieu de sa naissance. Là, après avoir, en présence et à la vue d'un grand nombre de gens, reçu le sacrement avec une ferveur et une dévotion admirables, il rendit heureusement son âme au Créateur dans la confession de la foi véritable et catholique, la 30e année de son règne, le vendredi, veille de la fête de l'apôtre saint André. Il n'y a pas jusqu'à Dante qui ne trouve une mort à l'homme de sa haine. Il le fait éventrer par un sanglier. Il mourut d'un coup de boutoir, le voleur qu'on a vu sur la scène falsifiant la monnaie. Les papes qui habitèrent Avignon après Clément V, c'est-à-dire Jean XXII, Benoît XII, Clément VI, n'attendaient qu'une occasion d'acheter Avignon. Elle se présenta pour le dernier. Une jeune femme encore mineure, Jeanne de Naples, nous ne dirons pas la vendit, mais la donna pour l'absolution d'un assassinat qu'avaient commis ses amants. Majeure, elle réclama contre la cession. Mais Clément VI tenait, et tenait bien. Si bien que quand Grégoire XI reporta, en 1377, le siège de la papauté à Rome, Avignon, administrée par un légat, resta soumise au Saint-Siège. Elle l'était encore en 1791, lorsqu'arrivèrent les événements qui sont cause de cette longue digression. Comme au jour où Avignon était partagé entre le roi de Naples, comte de Provence, et le roi de France, comte de Toulouse, il y avait 2 Avignons dans Avignon, l'Avignon des prêtres, l'Avignon des commerçants. L'Avignon des prêtres avait 100 églises, 200 cloîtres, son palais du pape. L'Avignon des commerçants avait son fleuve, ses ouvriers en soierie, son transit en croix, de Lyon à Marseille, de Nîmes à Turin. Il y avait en quelque sorte, dans cette malheureuse ville, les Français du roi et les Français du pape. Les Français de la France étaient bien Français. Les Français d'Italie étaient presque des Italiens. Les Français de la France, c'est-à-dire les commerçants, se donnaient bien de la peine. se donnaient bien du travail pour vivre, pour nourrir leurs femmes et leurs enfants, et ils réussissaient à peine. Les Français d'Italie, c'est-à-dire les prêtres, avaient tout, richesse et pouvoir. C'étaient des abbés, des évêques, des archevêques, des cardinaux oisifs, élégants, hardis, sigisbés des grandes dames, maîtres chez les femmes du peuple, qui s'agenouillèrent sur leur passage pour baiser leurs blanches mains. Prenez le bel abbé Mori. C'est un franco-italien du comtat, s'il en fut. Fils d'un cordonnier, aristocrate comme Lezin, orgueilleux comme un clermont-tonnerre, insolent comme un laquais. Partout, avant d'être homme et par conséquent d'avoir des passions, les enfants s'aiment. À Avignon, on est en se haïssant. Le 14 septembre 1791, du temps de la Constituante, un décret du roi avait réuni à la France Avignon et le comtat Venessin. Depuis un an, Avignon était tantôt aux mains du parti français, tantôt aux mains du parti anti-français. L'orage avait commencé en 1790. Une nuit, les papistes s'étaient amusés à pendre un mannequin décoré des trois couleurs. Le matin, à cette vue, Avignon bondit. On arracha de leur maison quatre papistes qui n'en pouvaient mais, deux nobles, un bourgeois, un ouvrier. On les pendit à la place du mannequin. Le parti français avait pour chef deux jeunes gens, Duprat et Mainviel, et un homme d'un certain âge nommé Lécuyer. Ce dernier était un Français dans toute la force du terme. Il était picard, d'un caractère ardent et réfléchi tout à la fois, établi à Avignon en qualité de notaire et de secrétaire de la municipalité. Ces trois chefs avaient levé quelques soldats, 2 ou 3 000 peut-être, et avaient tenté avec eux sur Carpentras une expédition qui n'avait pas réussi. La pluie, une pluie froide et glacée mêlée de grêle, une de ces pluies qui descendent du mont Ventoux, avait dispersé l'armée de Mainviel, de Duprat et de Lécuyer, comme la tempête avait dispersé la flotte de Philippe II. Qui avait fait tomber cette pluie miraculeuse? Qui avait eu la puissance de disperser l'armée révolutionnaire? La Vierge. Mais Duprat, Mainviel et Lécuyer soupçonnaient un Catalan nommé le cheval Patrix, qu'ils avaient fait général, d'avoir si efficacement secondé la Vierge dans le miracle, que c'était à lui qu'ils en attribuaient tout l'honneur. À Avignon, justice est bientôt faite d'une trahison. On tue le traître. Patrix fut tué. Or, de quoi se composait l'armée représentant le parti français? De paysans, de portefaix, de déserteurs. On chercha un homme du peuple pour commander à ces hommes du peuple. On crut avoir trouvé l'homme qu'il fallait dans un nommé Mathieu Jouve, qui se faisait appeler Jourdan. Il était né à Saint-Just, près du Puy-en-Velay. Il avait d'abord été muletier, puis soldat, puis cabaretier à Paris. À Avignon, il vendait de la garance. C'était un vantard de meurtre, un fanfaron de crime. Il montrait un grand sabre et disait qu'avec ce sabre, il avait coupé la tête au gouverneur de la Bastille et aux deux gardes du corps du 6 octobre. Moitié raillerie, moitié crainte, au surnom de Jourdan qu'il s'était donné, le peuple avait ajouté celui de coupe-tête. Duprat, Mainviel, Lécuyer et leur général Jourdan coupe-tête avaient été assez longtemps maîtres de la ville pour que l'on commençât à les moins craindre. Une sourde et vaste conspiration s'organisa contre eux, habile et ténébreuse comme sont les conspirations des prêtres. Il s'agissait de réveiller les passions religieuses. La femme d'un patriote français était accouchée d'un enfant sans bras. Le bruit se répandit que le patriote, en enlevant la nuit un ange d'argent d'une église, lui avait cassé le bras. L'enfant infirme n'était rien autre chose qu'une punition du ciel. Le père fut obligé de se cacher. On lui mit un morceau sans même s'informer dans quelle église l'ange avait été volé. Mais c'était surtout la Vierge qui protégeait les royalistes, qu'ils fussent chouans en Bretagne ou papistes à Avignon. En 1789, la Vierge s'était mise à pleurer dans une église de la rue du Bac. En 1790, elle avait apparu dans le bocage vendéen derrière un vieux chêne. En 1791, elle avait dispersé l'armée de Duprat et Mainviel en leur soufflant de la grêle au visage. Enfin, dans l'église des Cordeliers, elle se mit à rougir, de honte sans doute, sur l'indifférence du peuple d'Avignon. Ce dernier miracle, constaté par les femmes surtout, les hommes n'y avaient pas grande foi, avait déjà élevé les esprits à une certaine hauteur, lorsqu'un bruit bien autrement émouvant se répandit dans Avignon. Un grand coffre d'argenterie avait été transporté hors de la ville. Le lendemain, ce n'était plus un coffre, c'était 6 coffres. Le surlendemain, c'était 18 malles pleines. Et quelle était l'argenterie que contenaient ces 18 malles? les effets du monde-piété que le parti français, en évacuant la ville, emportait, disait-on, avec lui. À cette nouvelle, un vent d'orage passa sur la ville. Ce vent, c'est le fameux zouzou qui siffle dans les émeutes et qui tient le milieu entre le rauquement du tigre et le sifflement du serpent. La misère était si grande à Avignon que chacun avait engagé quelque chose. Si peu qu'eût engagé le plus pauvre, il se crut ruiné. Le riche est ruiné pour 1 000 000, le pauvre pour 1 guenille, tout est relatif. C'était le 16 octobre, un dimanche matin. Tous les paysans des environs étaient venus entendre la messe dans la ville. On ne marchait qu'armés à cette époque. Par conséquent, ils étaient tous armés. Le moment était donc bien choisi. De plus, le coup était bien joué. Là, il n'y avait plus ni parti français ni parti anti-français. Il y avait des voleurs qui avaient commis un vol infâme, qui avaient volé les pauvres. La foule affluait à l'église des Cordeliers. Paysans, citadins, artisans, portefaix, blancs, rouges, tricolores, criaient qu'il fallait qu'à l'instant même, sans retard, la municipalité leur rendît des comptes par l'organe de son secrétaire, l'écuyer. Pourquoi la colère du peuple s'était-elle portée sur l'écuyer? On l'ignore. Quand une vie doit être violemment arrachée à un homme, il y a de ces fatalités-là. Tout à coup, au milieu de l'église, on amena l'écuyer. Il se réfugiait à la municipalité lorsqu'il avait été reconnu, arrêté, non pas arrêté, poussé à coups de poing, à coups de pied, à coups de bâton dans l'église. Une fois dans l'église, le malheureux, pâle mais cependant froid et calme, monta dans la chaire et entreprit de se justifier. C'était facile, il n'avait qu'à dire « Ouvrez et montrez le monde-piété au peuple, et il verra que tous les objets qu'on nous accuse d'avoir emportés y sont encore. » Il commença. « Mes frères, j'ai cru la révolution nécessaire. J'ai contribué de tout mon pouvoir. Mais on ne le laissa pas aller plus loin. On avait trop peur qu'il ne se justifiât. Le terrible zouzou, âpre comme le mistral, va l'interrompre. Un portefeuille monta derrière lui dans la chaire et le jeta à cette meute. À partir de ce moment, la lalie sonna. On le tira vers l'autel. C'était là qu'il fallait égorger le révolutionnaire pour que le sacrifice fût agréable à la Vierge au nom de laquelle on agissait en tout cela. Dans le cœur, vivant encore, il se dégagea des mains des assassins et se réfugia dans une stalle. Une main charitable lui passa de quoi écrire. Il fallait qu'il écrivît ce qu'il n'avait pas eu le temps de dire. Un secours inespéré lui donnait un moment de répit. Un gentilhomme breton qui, par hasard, passait, allant à Marseille, était entré dans l'église et s'était pris de pitié pour la pauvre victime. Avec le courage et l'entêtement d'un breton, il voulait le sauver. Deux ou trois fois, il avait écarté les bâtons ou les couteaux prêts à le frapper en criant « Messieurs, au nom de la loi, messieurs, au nom de l'honneur, messieurs, au nom de l'humanité !» Les coups et les bâtons se tournèrent alors vers lui. Mais lui, sous les couteaux et les bâtons, continuait à couvrir le pauvre l'écuyer de son corps en criant « Messieurs, au nom de l'humanité !» Enfin, le peuple se lassa d'être si longtemps privé de sa curée. Il prit à son tour le gentilhomme et l'entraîna pour le pendre. Mais trois hommes dégagèrent l'étranger en criant « Finissons-en d'abord avec l'écuyer, nous retrouvons toujours bien celui-ci après !» Le peuple comprit la justesse de ce raisonnement et lâcha le breton. On le força de se sauver. Il se nommait M. de Roselli. L'écuyer n'avait pas eu le temps d'écrire. Eût-il eu le temps, son billet n'eût pas été lu. Il se faisait un trop grand tumulte. Mais au milieu de ce tumulte, l'écuyer avisa derrière l'autel une petite porte de sortie. S'il gagnait cette porte, peut-être était-il sauvé. Il s'élança au moment où on le croyait écrasé de terreur. L'écuyer allait atteindre la porte. Les assassins avaient été surpris à l'improviste. Mais au pied de l'autel, un ouvrier taffetassier lui asséna un si terrible coup de bâton sur la tête que le bâton se brisa. L'écuyer tomba étourdi, comme tombe un bœuf sous la masse. Il avait roulé juste où l'on voulait qu'il fût, au pied de l'autel. Alors, tandis que les femmes, punirent ses lèvres, qui avaient proféré le blasphème révolutionnaire de vive la liberté, lui découpaient les lèvres en festons, les hommes lui dansaient sur le ventre, l'écrasant comme Saint-Étienne à coups de pierre. « Par grâce, mes frères, au nom de l'humanité, mes sœurs, accordez-moi la mort !» C'était trop demandé, on le condamna à vivre son agonie. Elle dura jusqu'au soir. Le malheureux savoura la mort tout entière. Voilà les nouvelles qui arrivaient à l'Assemblée législative en réponse au discours philanthropique de Fauchet. Il est vrai que le surlendemain arrivait une autre nouvelle. Duprat et Jourdan avaient été avertis de ce qui se passait. Où trouver leurs hommes dispersés? Duprat eut une idée. Sonner en manière de rappel la fameuse cloche d'argent qui ne sonnait qu'en deux occasions, le sacre des papes, leur mort. Elle rendait un son étrange, mystérieux, rarement entendu. Ce son produisit deux effets contraires. Il glaça le cœur des papistes, il rendit le courage révolutionnaire. Au son de cette cloche qui sonnait un tocsin inconnu, les gens de la campagne sortirent de la ville et s'enfuirent chacun de la direction de sa demeure. Jourdan, à cet appel de la cloche d'argent, réunit 300 de ses soldats à peu près. Il reprit les portes de la ville et il laissa 150 hommes pour les garder. Avec les 150 autres, il marcha sur les Cordeliers. Il avait deux pièces de canon. Il les braqua sur la foule, tira et tua au hasard. Puis il entra dans l'église. L'église était déserte. Les cuirs râlaient aux pieds de la Vierge qui avait fait tant de miracles et qui n'avait pas daigné étendre sa main divine pour sauver ce malheureux. On eût dit qu'il ne pouvait pas mourir. Ce lambeau sanglant, qui n'était plus qu'une plaie, s'acharnait à vivre. On l'emporta ainsi par les rues. Partout sur le passage du cortège, les gens fermaient leurs fenêtres en criant « Je n'étais pas au Cordelier !» Jourdan et ses 150 hommes pouvaient faire désormais d'Avignon et de ses 30 000 habitants ce qu'ils voudraient, tant la terreur était grande. Ils en firent en petit ce que Marat et Panis firent de Paris au 2 septembre. On verra plus tard pourquoi nous disons Marat et Panis et non pas Danton. On égorgea 70 ou 80 malheureux qu'on précipita par les oubliettes pontificales dans la tour de la Glacière. La tour Trouillasse, comme on dit là-bas. Voilà la nouvelle qui arrivait et qui faisait oublier par de terribles représailles la mort de l'écuyer. Quant aux émigrés que défendait Brissot et auxquels il voulait qu'on ouvrît les portes de la France, voici ce qu'il faisait à l'étranger. Il raccommodait l'Autriche avec la Prusse et faisait deux amis de ses deux ennemis nés. Il faisait que la Russe défendait à notre ambassadeur de se montrer dans les rues de Pétersbourg et envoyait un ministre aux réfugiés de Koblenz. Il faisait que Berne punissait une ville suisse qui avait chanté le « Ça ira révolutionnaire ». Il faisait que Genève, la patrie de Rousseau, qui avait tant fait pour cette révolution que la France accomplissait, dirigeait contre nous la bouche de ses canons. Il faisait que l'évêque de Liège refusait de recevoir un ambassadeur français. Il est vrai que de même, les rois faisaient bien autre chose. La Russie et la Suède renvoyaient à Louis XVI n'ont été qu'achetées les dépêches où il leur annonçait son adhésion à la Constitution. L'Espagne refusait de les recevoir et livrait à l'Inquisition un Français qui n'échappait au San Benito qu'en se tuant. Venise jetait sur la place Saint-Marc le cadavre d'un homme étranglé la nuit par ordre du Conseil des Dix avec ce simple écriteau « étranglé comme franc-maçon ». Enfin, l'empereur et le roi de Prusse répondaient, mais répondaient par une menace. « Nous désirons, disait-il, que l'on prévienne la nécessité de prendre des précautions sérieuses contre le retour des choses qui donnent lieu à de si tristes augures. » Ainsi, guerre civile en Vendée, guerre civile dans le Midi, menace de guerre étrangère partout. Puis, de l'autre côté de l'Atlantique, les cris de la population tout entière d'une île que l'on égorge. Qu'est-il donc arrivé là-bas, vers l'Occident? Quels sont ces noirs esclaves qui se lassent d'être battus et qui tuent? Ce sont les nègres de Saint-Domingue qui prennent une sanglante revanche. Comment les choses se passèrent-elles? En deux mots, c'est-à-dire d'une façon moins prolixe que pour Avignon nous nous sommes laissés entraîner, en deux mots, nous allons vous l'expliquer. La Constituante avait promis la liberté aux nègres. Auger, un jeune mulâtre, un de ces cœurs braves, ardents et dévoués comme j'en ai tant connu, avait repassé les mers en portant les décrets libérateurs au moment où ils venaient d'être rendus. Quoique rien d'officiel ne fût parvenu encore sur ces décrets, dans sa hâte de liberté, il somma le gouverneur de les proclamer. Le gouverneur donna ordre de l'arrêter. Auger se réfugia dans la partie espagnole de l'île. Les autorités espagnoles, on sait comment l'Espagne était disposée pour la Révolution, les autorités espagnoles le livrèrent. Auger fut roué vif. Une terreur blanche suivit son supplice. On lui supposait nombre de complices dans l'île. Les planteurs se firent juges eux-mêmes et multiplièrent les exécutions. Une nuit, 60 000 nègres se soulevèrent. Les blancs furent réveillés par l'immense incendie qui dévorait les plantations. 8 jours après, l'incendie était éteint dans le sang. Que fera la France, pauvre salamandre enfermée dans un cercle de feu? Nous allons le voir.